Au cimetière de Victor Klein. Enregistré pour LibriVox.org. Au cimetière. C'est ici que l'on vint, avec des flots de larmes, dans un lit sombre et froid, déposer tous ses charmes. Un long sommeil voilait ses yeux, et quand on l'eut couché, on la couvrit de terre, et puis on l'enferma, sous cette lourde pierre, avec ton espoir et tes vœux. À ce lieu maintenant donne amour et constance, mais seulement la nuit tu viendras en silence la nommer, la pleurer ici. Dans ce château là-bas, elle avait sa demeure, et son père est bien riche, et défend qu'on la pleure, à moins qu'on ne soit riche aussi. Un jour sous ce gazon tu dormiras de même. De ces tombeaux où dort tout ce que ton cœur aime, rien ne viendra te séparer. Au réveil, vous serez deux anges de lumière. Tu seras à jamais au bonheur de lui plaire comme au bonheur de l'adorer. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.